بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On parle maintenant donc dans le, on commence le cours 34 dans l'explication du livre de l'imam As-Sabuni, Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, rahimahullah, avec les explications du Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Et on était dans le chapitre où il explique les attributs d'Allah comme An-Nuzul, le fait que Allah Azza wa Jal, il descend au dernier tiers de la nuit, chaque nuit. Et on a mentionné les narrations à ce sujet-là et les paroles des salafs sur cette question-là. Et aussi à propos de Al-Maji wa l'Etian. Al-Maji, c'est-à-dire la venue d'Allah Azza wa Jal, au jour de la résurrection pour le jugement. Donc là, on a terminé, on a lu cette partie-là. Maintenant, le cheikh, qu'est-ce qu'il fait? Il cite des exemples de narration sur ce point-là. Puis, il cite ensuite, dans le chapitre suivant, « Mawqif al-salaf min hadhihi al-akhbar » Donc, la position des salafs au sujet de ces narrations. Donc, il n'y a pas de charh dans cette partie-là, comme on l'a expliqué. Donc, c'est seulement le texte de Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam As-Sabuni seulement. Donc, on va juste passer rapidement dessus, puis traduire les narrations qui sont mentionnées seulement. En ce qui concerne les chaînes de transmission, on va les lire directement en français. Donc ici, le cheikh, il dit, ce hadith qui est rapporté, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, c'est-à-dire le hadith à propos de la descente d'Allah Azza wa Jal, il y a plusieurs qui l'ont rapporté. Et la narration de Abi Huraira, elle est rapportée par plusieurs parmi les ulama. Il dit, elle est rapportée par Al-Awza'i, selon Yahya ibn Abi Kathir, selon Abi Salama, selon Abi Huraira. Donc ça, c'est la première isnad. Après, l'autre, c'est rapporté selon Yazid ibn Harun et d'autres parmi les imams, selon Muhammad ibn Amr ibn Abi Salama, selon Abi Huraira. Donc ça, c'est une autre chaîne de transmission. Également selon Malik, selon Az-Zuhri, selon Al-A'raj, selon Abi Huraira. Ça, c'est une autre chaîne. Selon Malik, selon Az-Zuhri, selon Saïd ibn al-Musayyib, selon Abi Huraira. Donc ça, c'est une autre chaîne de transmission. Selon Ubaydillah ibn Umar ibn Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Huraira. Donc ça, c'est une autre chaîne de transmission. Selon Abdel A'la ibn Abi Musawir wa Bashir ibn Sulayman an Abi Hazim an Abi Huraira. Donc ça, c'est une autre chaîne de transmission. Wa rawahu Nafi' ibn Jubayr ibn Mut'im an Abihi. Donc ça, c'est une autre narration. Wa Musa ibn Uqba an Ishaq ibn Yahya an Ubadat ibn Samit. Donc c'est une autre narration. An Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik an Jabir ibn Abdullah. Donc tout ça, c'est des différents compagnons qui l'ont rapporté, ce hadith, avec une autre chaîne de transmission. Wa Ubaydillah ibn Abi Rafi' an Ali ibn Abi Talib رضي الله عنهم أجمعين وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وعن طارق بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. Donc ça, c'est une autre chaîne. Et il dit, وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أجمعين. Donc ça, c'est des exemples de tous les narrateurs de ce hadith-là et les chaînes de transmission des ulama qui l'ont transmis, ce hadith, parmi les salafs. Et donc il dit, le cheikh, ensuite, il dit « Wa kulluhum an Rasulillah » Ils ont tous rapporté ça du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Annahu qal, ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له. Yani, donc il dit, tous ils ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit que Allah azza wa jal, il descend au dernier des cieux ou au plus proche des cieux de la dunya. Le ciel de la dunya, c'est le ciel qui, le ciel qu'on voit le soir là, notre ciel à nous. Ça, c'est le plus bas des cieux parmi les sept. Et il descend lorsqu'il ne reste plus qu'un tiers de la nuit. Donc chaque nuit, lorsqu'il ne reste plus qu'un tiers de la nuit, il descend au ciel de la dunya. Et il demande. Il dit, qui va me demander pour que je lui donne ce qu'il veut? Qui va m'invoquer pour que je l'exauce? Qui va me demander pardon pour que je lui pardonne? Donc ça, c'est la narration. Après, ça, c'est le hadith lui-même. Le cheikh, il dit ensuite, il dit, فَذَلِكَ فَبِذَلِكَ كَانُوا يُفَضِّلُونَ صَلَاتَ آخِرَ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ. Il dit, c'est pour cette raison-là que les salafs, ils préféraient prier à la fin de la nuit qu'au début de la nuit. Il dit, وَهَذَا لَفْضُ أَبِي سَلَمَا وَالْأَغَرَ عن أبي هريرة. Et ça, c'est la narration de Abi Salama selon Al-Aghar, selon Abi Huraira. Et il dit, il y a la narration de Yazid ibn Harun selon Muhammad ibn Amr, selon Abi Salama, selon Abi Huraira. Et Al-Awza'i selon Yahya ibn Abi Kathir, selon Abi Salama, selon Abi Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله من السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح. Donc ça, c'est une autre narration encore. Il dit que selon Abi Huraira, et il mentionne donc deux chaînes de transmission, puis après il dit selon Abi Hurayra, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que lorsque la moitié de la nuit est passée ou deux tiers, Allah descend au ciel de la dunya. Et il dit, qui va me demander? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut demander pour que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut invoquer? Est-ce qu'il y a un invocateur pour que je l'exauce? Est-ce qu'il y a un demandeur de pardon pour que je lui pardonne jusqu'à ce que se lève l'aube. Jusqu'à ce que se lève l'aube. Wa fi riwaya, et dans une autre narration selon Saïd ibn Marjana, selon Abi Huraira, et il y a un ajout dedans à la fin, et c'est l'ajout suivant. Thumma yabsutu yadayhi fa yaqul man yaqridu ghayra عدوم ولا ظلوم من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. Donc il dit dans une autre narration dans laquelle il y a un ajout à la fin selon Abi Huraira qui Allah Azza wa Jal étend ses mains et il dit qui va me prêter غير عدوم ولا ظلوم, c'est-à-dire sans qu'il soit dans le manque ou sans qu'il n'ait rien et sans qu'il soit injuste. Donc ça, c'est un autre ajout par rapport à cette narration-là. Il rapporte une autre encore selon Abi Hazim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, et là il cite le hadith, inna Allah yanzilu ila sama'i dunya fi thuluth al-layl al-akhir fayunadi hal min sa'ilin fa'utiyah هل من مستغفر فأغفر له فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس قال وذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. Donc il dit il y a dans cette narration, selon Abi Huraira, que le messager d'Allah a dit: Allah Azza wa Jal descend au dernier des cieux, dans le dernier tiers de la nuit, et il demande: est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut demander quelque chose pour que je lui donne? Est-ce qu'il y a un demandeur de pardon pour que je lui pardonne? Il dit: il n'y a rien qui a une âme dans le monde, excepté qu'il le sait, hein, qu'il sait cette chose-là. Excepté les deux mondes, celui des djinns et des hommes. C'est seulement eux qui n'entendent pas ou qui ne savent pas ça. Et il dit dans, à la suite de ça, et ça c'est au moment où on entend les coqs chanter et les ânes, je ne sais pas le nom, comment on appelle le bruit de l'âne, j'ai oublié, ça c'est des trucs qu'on appelait, on apprenait en première année là. Ça fait longtemps qu'on oublie les animaux de la ferme. Je ne me souviens plus du bruit de l'âne, comment on dit. Je pense que c'est pas le hennissement ou quelque chose comme ça. Ok. « Watam bahul kilab » et les chiens commencent à... Il y en a, pas japper, mais comme on entend japper ou bien hurler à ce moment-là. Et ça, c'est des choses qu'on n'entend pas dans la ville tout le temps. C'est-à-dire les coqs chanter dans les grandes villes comme en Amérique du Nord, on n'entend pas ces sons-là. Mais quand je me rappelle une fois, quand j'étais en Haïti, quand j'étais allé visiter mon père à l'époque, et ça, c'est des choses qu'on entend à l'aube. Hein, les coqs chanter, et les chiens et tout ça, là, les ânes. Oui, on les entend très, très clairement. Il dit « Wa fi riwayati Musa ibn Uqba » Donc la narration de Moussa ibn Uqba selon Ishaq ibn Yahya, selon Ubadat ibn Samit, il y a des ajouts qui sont bonnes. Et il dit, et c'est la narration qu'il a mentionné, ou que Abu Ya'la a mentionné, Abu Ya'la Hamza ibn Abdul Aziz al-Muhlabi, ou al-Muhallabi, et il a dit... Abdullah ibn Muhammad al-Razi nous a informé, hein, il a dit, Abu Uthman, Muhammad ibn Uthman ibn Abi Suwaid nous a informé, et il a dit, Abdurrahman, c'est-à-dire ibn al-Mubarak, nous a rapporté, et il a dit que Fudayl ibn Sulayman ibn Musa ibn Uqba nous a rapporté, selon Ishaq ibn Yahya, selon Ubadat ibn Samit, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, descend chaque nuit au dernier des cieux lorsqu'il reste que le tiers de la nuit. Et il dit, Allah, hein, il dit, يعني ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير. Donc ça, c'est la même chose que les autres. Il dit, Fayaqul, et il dit, Ala abdun min ibadi yad'uni fa'astajibu lah. C'est-à-dire, n'y a-t-il pas un serviteur parmi mes serviteurs qui va m'invoquer pour que je lui réponde et pour que je l'exauce? Ala zalimun li nafsihi yad'uni fa'aghfir lah. N'y a-t-il pas une personne qui a fait de l'injustice à son âme pour qu'il m'invoque, pour que je lui pardonne? Ala muqattarin alayhi rizquhu fayad'uni fa'arzuqah. N'y a-t-il pas quelqu'un dont la subsistance a été restreinte qui va m'invoquer pour que je lui donne sa subsistance? Ala mazlumun yadhkuruni fa'ansurah. N'y a-t-il pas un opprimé qui va m'invoquer pour que je vienne à son secours, pour que je le défende? Ala anin yad'uni fa'afukkahu. N'y a-t-il pas quelqu'un qui est dans la difficulté, qui va m'invoquer pour que je le libère, que je le délivre de cette difficulté? Qala fayakunu kadhalika ila an yatlu' as-subh wa ya'lu 'ala kursiyhi. Il dit, et ça reste, il reste ainsi jusqu'à ce que se lève l'aube, et que il dit, et alors il s'élève sur le coursier, il s'élève au-dessus du coursi. Naam, subhanallah. Et il dit ensuite, il y a une autre narration selon Abi Zubayr, selon Jabir, selon la voix de Marzouq ibn Abi Bakr, celui qui a rapporté, hein, celui qui a été rapporté selon Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah, en résumé. Et il dit ensuite, et une autre voix selon Ayyub ibn, selon Abi Zubayr, selon Jabir, celui qui l'a rapporté, c'est Al-Hassan ibn Sufyan dans sa Musnad. Et une autre voix, qui est celle de Hisham ad-Dastawai, selon Abi Zubayr, selon Jabir, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna ashiyata arafa ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار Min Yawmi Arafah. Donc ça c'est une narration, et il a mentionné plusieurs voix, selon Jabir, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc il dit, Inna Ashiyata Arafah. Ashiya, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie Awwalu Dhalam al-Layl. C'est-à-dire les premières... Yani la première noirceur de la nuit, le début de la noirceur de la nuit, hein, à partir du Maghreb jusqu'à la nuit. C'est ça l'Ishiya. Hein, c'est comme l'Isha, yani. Okay? Donc les débuts de la nuit de Arafat, Allah Azza wa Jal, il descend au dernier des cieux. Donc ça concerne Arafat en particulier. Et Allah Azza wa Jal, il montre aux habitants des cieux, les gens de la terre. Il montre aux anges et à ceux qui sont dans les cieux, il leur montre les habitants de la terre, leur montrer, hein, les gens de Arafat. Regardez mes serviteurs qui sont réunis, qui sont dépeignés, qui sont empoussiérés. Hein. Ils se sont tous réunis. Donc, ils venant de tout chemin éloigné, ils se sont réunis à cet endroit et ils souhaitent ma miséricorde, alors qu'ils n'ont pas vu mon châtiment. Et il dit, et on ne voit pas en ce jour plus de gens qui ont été libérés de l'enfer que le jour de Arafat. Il n'y a pas de gens qui ont été plus libérés de l'enfer que le jour de Arafat. T'as fait le Hajj déjà? Non, pas encore. طيب إن شاء الله. Donc il dit وروى هشام الدستوائي عن يحيى. Donc selon يحيى ابن أبي كثير, selon هلال ابن أبي ميمونة, selon عطاء ابن يسار, selon رفاعة الجهني, il a rapporté que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح. Donc dans cette narration là, c'est mentionné donc que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque est passé un tiers de la nuit, ou une moitié de la nuit, ou deux tiers de la nuit, Allah Azza wa Jal, il descend au ciel de la dunya. Et il dit, qui va me demander pour que... Hein, qui, non, il dit, ici, il mentionne, il dit, je ne demande à personne à propos de mes serviteurs autre qu'à moi-même. Il dit, qui va me demander pardon pour que je lui pardonne? Qui va m'invoquer pour que je l'exauce? Qui va me demander pour que je lui donne? et il demande jusqu'à ce que se lève, jusqu'à ce que l'aube se lève. L'autre narration, il dit Akhbarana Muhammad ibn al-Mujalladi. Il dit et Abu al-Abbas al-Siraj ou al-Sarraj, il nous a informé. Muhammad, que Muhammad ibn Yahya nous a informé. Ubayd ibn Moussa nous a informé. Selon Israël, selon Abi Ishaq, selon Abi Muslim al-Aghar, qui a dit, je témoigne pour Abi Saïd et Abu Huraira qu'ils ont témoigné, hein, qu'ils ont été témoins du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je témoigne pour ces deux-là qu'ils ont tous les deux entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Inna Allah yumhil hatta iza zahaba thuluthul layl al-awwal habata ila as-sama'i ad-dunya fayaqulu hal min muznibin, hal min mustaghfirin, hal min sa'ilin, hal min da'in hatta tatlu' ash-shams. Donc il mentionne ce hadith, puis selon Abi Huraira, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le rapporteur, il dit, je témoigne que Abu Huraira ainsi que Abu Sa'id, tous les deux, ils ont entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, Allah azza wa jal, il donne un répit, ou il donne un délai, jusqu'à ce que descende un tiers de la nuit, le premier tiers de la nuit. Et à ce moment, il dit, il descend au ciel de la dunya et il dit, est-ce qu'il y a un pécheur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander quelque chose? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'invoquer? Jusqu'à ce que le soleil se lève. Une autre narration, il dit, « Akhbarana Abu Muhammad al-Mukhalladi » ou « al-Makhladi » que Abu al-Abbas nous a informé, al-Thaqafi, que al-Hassan ibn al-Sabbah, il nous a informé que Shababa ibn Siwar nous a informé, nous a rapporté que Yunus ibn Abi Ishaq, selon Abi Muslim al-Aghar, qui a dit, je témoigne que Abu Saïd et que Abu Huraira, tous les deux ont dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah yumhil. Hein? Yumhil. On dit des fois, yumhil wala yuhmil. Yumhil wala yuhmil. Yumhil, ça veut dire il donne un délai, donne un répit. Oui, yuhmil, ça veut dire il néglige. Donc on dit, il donne un répit, mais il ne néglige pas. Et ça fait comme un jeu de mots parce que les deux mots s'écrivent avec les mêmes lettres. Qu'est-ce qui change, c'est l'ordre. L'ordre du ha et du mim. Donc, un c'est yumhil et l'autre c'est yuhmil. Donc, c'est une parole que les gens répètent souvent. Donc, inna Allah yumhil hatta idha kana thuluth al-layl habata ila hadhihi as-sama' thumma amara bi abwab as-sama' fa futihat. فقال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيب له فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مضطر أكشف عنه ضره هل من مستغيث أغيثه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر fi kulli laylatin min ad-dunya. Subhanallah. Donc il dit ici que les deux, ils ont rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal, il donne un répit. Il donne un répit jusqu'à ce qu'il y ait un tiers de la nuit. Et il dit, il descend à ce moment-là, au tiers de, quand c'était à un tiers de la nuit, c'est-à-dire quand il reste un tiers de la nuit, il descend au ciel de la dunya, puis il ordonne les portes des cieux, hein, il ordonne que les portes des cieux soient ouvertes. Puis il dit, ben en fait, si à partir du Maghreb, à partir du Maghreb jusqu'à l'aube, tu regardes le temps. Comme là maintenant, ok, le Maghreb, il rentre à 5h50 ici, et puis l'aube, elle se lève à 5h, 5h01. Donc ça veut dire que la nuit, elle dure à peu près 12 heures. Parce qu'on approche, maintenant on approche de l'équinoxe, hein? Si je ne me trompe pas. Quand on arrive au printemps, là, il y a l'équinoxe au printemps et il y a l'équinoxe en automne. Et il y a le solstice d'été, le solstice d'hiver. Le solstice, ça veut dire que quand c'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire c'est la nuit la plus longue, et la journée la plus courte. L'été, le solstice d'été, c'est-à-dire la journée la plus longue, la nuit la plus courte. Et l'équinoxe, c'est les deux jours, les deux périodes où, au printemps et à l'automne, les journées et les nuits sont de durée égale. D'accord? Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ça veut dire que le soleil, il se couche à 5h50, il se lève à 5h. Donc à partir de 5h50 jusqu'à 5h, tu regardes le nombre d'heures, puis tu divises par 3. Si ça fait 12 heures, tu divises 3 divisé par 12, ça fait 4 heures. Donc la première heure, la première partie, c'est 4 heures après Maghreb. Le deuxième tiers, c'est 8 heures après Maghreb. Donc, à partir de 8 heures après Maghreb jusqu'à les 4 dernières heures avant l'aube. Ça veut dire, si l'aube est à 5 heures, tu recules de 4 heures, ça veut dire qu'à partir de 1 heure du matin jusqu'à 5 heures, c'est le dernier tiers de la nuit. D'accord? Wallahu ta'ala a'lam. Ok. Naam. Donc, où étions-nous? Oui, c'est ça. Ensuite, il dit, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander pour que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'invoquer pour que je lui réponde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande pardon pour que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté pour que je le libère de ce qui lui fait du tort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en détresse qui appelle à mon secours pour que je vienne à son secours? Et il continue, hein? Il dit, il continue et il reste comme ça jusqu'à ce que le Fajr se lève. Et il fait ça chaque nuit dans ce bas monde. D'accord? Donc, combien d'entre nous, hein, on profite pas? Allah Azza wa Jal, chaque nuit, il vient, il nous demande, il descend au dernier des cieux pour nous demander, qu'on l'implore, pour nous exaucer, et nous, on vient pas. Donc, souvent, je dis ça à des personnes, parfois, qui me demandent à propos de des problèmes qu'ils ont, à propos d'un problème qu'ils ont par rapport à la vie ou par rapport à la religion. Je leur dis, Allah Azza wa Jal, il descend au dernier des tiers de la nuit, chaque nuit, et il demande à ses serviteurs, hein, de l'implorer. Qui est-ce qui va m'implorer pour que je lui donne qu'est-ce qu'il veut? Qui est-ce qui va me demander pardon pour que je lui pardonne? Est-ce que tu as fait l'effort d'être là à ce moment-là pour répondre à son appel et pour être au rendez-vous à ce moment-là? Si tu veux vraiment cette chose et si tu veux vraiment avoir l'aide d'Allah dans ce problème, pourquoi tu ne fais pas cette cause? pourquoi tu ne fais pas cette cause? Parce que beaucoup de gens, ils sont prêts à essayer toutes les causes possibles dans la dunya. Et ils sont prêts à frapper à toutes les portes de tout le monde, sauf comme on dit, la porte d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire de demander à leur créateur. Alors que c'est à lui qu'ils devraient demander en premier toute chose. Donc ça, c'est une leçon importante. Tandis que les gens de Bid'a, eux, ils entendent ce hadith et ils cherchent à nier. Cherchent à nier le hadith. Alors que les salafs, quand ils entendaient ça, ils se précipitaient à se lever au dernier tiers de la nuit pour justement profiter de ce bien-là. Tandis que les gens de Bid'a, eux, ils se précipitent pour nier le hadith. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il dit « Akhbarana Abu Muhammad al-Makhladi » Donc al-Makhladi ou al-Mukhladi. « Haddathana Abu al-Abbas » يعني al-Thaqafi. « Haddathana Mujahid ibn Musa » Donc c'est ça. Donc ça, c'est la chaîne de transmission. Il dit « Wal-Fadl ibn Sahd » Ibn Sahl, pardon. Il dit que tous les deux ont dit « Yazid ibn Harun nous a informé selon que Shurayk nous a informé, selon Abi Ishaq, selon Al-Aghar, qu'il a témoigné pour Abu Huraira et Abu Saïd, que tous les deux ont été témoins du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et puis il cite le hadith, « إِذَا كَانَ ثُلُثَ اللَّيْلِ يَنْزِلُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فيقول أو فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى سؤاله أو سؤله ألا هل من تائب يتاب عليه. Donc c'est pratiquement la même narration que celle qu'on a mentionnée auparavant. L'autre narration, il dit que Al-Ustadh Abu Mansour ibn Hamshad nous a informé que Abu Ali Ismail ibn Muhammad al-Saffar bi Baghdad nous a informé que Abu Mansour al-Ramadi nous a informé que Abdur Razak nous a informé que Ma'mar ibn Suhail ibn Abi Salih selon son père nous a informé selon Abi Huraira que il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. Donc c'est la même narration, sauf qu'il y a des petites différences. C'est qu'il dit que Allah Azza wa Jal, il descend chaque nuit au ciel de la dunya et il dit « Je suis le roi, je suis le roi » trois fois. Qui va me demander, hein? Qui va me demander pour que je l'exauce? Qui va me demander pardon pour que je lui pardonne? Et jusqu'à ce que l'aube se lève. Une autre narration encore, il dit « J'ai entendu » Al-Ustadh Abu Mansour, et il dit, après avoir mentionné ce hadith qu'il a cité, ou qu'il a mentionné, qu'il nous a mentionné, يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف. Donc il dit, après avoir cité ce hadith-là, on lui a posé la question, c'est-à-dire on a posé la question à Abu Hanifa. Rahimahullah. Et il a répondu Yanzilu bila kayf, c'est-à-dire il descend sans qu'on demande le comment. Sans qu'on demande le comment. Il dit wa qala ba'duhum yanzilu nuzulan yaliqu bir-rububiyya bila kayf min ghayri an yakuna nuzuluhu mithlu nuzul al-khalqi bal bit-takhalli wat-tamalli li'annahu azza wa jalla منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. Il dit, et d'autres ont dit, ou certains ont dit, que Allah Azza wa Jal, il descend d'une façon qui convient à sa seigneurie et à sa majesté. Mais ici, il dit birrububiyya, c'est-à-dire à sa souveraineté ou à sa seigneurie. Il dit sans qu'on demande le comment. Et sans que sa descente soit comme la descente des créatures. Hein? Sans que sa descente soit comme la descente des créatures. بالتخلي والتمني. C'est-à-dire qu'un endroit se soit laissé ou des choses de ce genre. Et il dit il est purifié. Hein? Où il est purifié que ses attributs soient semblables aux attributs des créatures. Donc Allah Azza wa Jal, ses attributs ne sont pas comme celles des créatures, et de la même manière que son être est purifié d'être semblable aux êtres des créatures. Donc ses attributs non plus ne sont pas semblables à celles des créatures. Comme lui-même n'est pas semblable à ces créatures, ses attributs, c'est la même chose. Ils ne sont pas semblables à celles des créatures. Donc, c'est la même chose pour sa venue au jour de la résurrection, sa descente au dernier tiers de la nuit, au dernier des cieux, et ainsi de suite. Son élévation sur le trône, et tu peux mentionner tous les attributs, c'est la même chose. Tous ces attributs sont tels qu'ils conviennent à sa majesté et à sa perfection. Sans qu'il y ait dans cela aucune forme de ressemblance ni comment. Ensuite, il dit: وقال الإمام أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة في كتاب التوحيد. Donc, l'imam Abu Khuzaima, dans son livre التوحيد, qu'il a écrit, il dit: وسمعته من حفيده أبو طاهر رحمه الله. Il dit: je l'ai entendu de son Hafidouhou, je pense que c'est son. Ah, Waladoul Walad, c'est son petit-fils. Ouais, c'est ça. Waladoul Walad. Ibnul Ibn. Donc, Al-Hafid, c'est le petit-fils. Donc, c'est ça. Donc, il l'a entendu, il dit, il l'a entendu du petit-fils de l'imam Ibn Khuzaïma. Donc ça veut dire que Abu Tahir, son grand-père, c'était l'imam Ibn Khuzaïma. Il a entendu de son petit-fils, Abu Tahir. Et il dit, et l'imam Abu Khuzaïma, on l'appelle Cheikh al-Islam. On l'appelle Cheikh al-Islam parce que c'est un des grands imams de son époque. Et il était très fort dans la sunna et dans la aqidah des salafs. Il défendait la aqidah. Il a un livre qui s'appelle « At-Tawhid ». Dans lequel justement il fait l'affirmation des attributs et il réfute les Jahmiya et les Mu'tazila et tous ceux qui sont dans ces égarements-là. Donc dans son livre, il dit qu'il l'a entendu de son petit-fils, le livre. Il y a un chapitre, il dit « Babun dhakara akhbar thabitat al-sanad rawaha ulama al-Hijaz wal-Iraq anil nabi sallallahu alayhi wa sallam fi nuzul al-Rabbi ila sama al-dunya kulla laylatin min ghayri من غير صفة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول فنشهد شهادة مقر بلسانه ومصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. انتهى كلامه رحمه الله. Donc il cite ici qu'est-ce que l'imam Ibn Khuzaima a cité dans son livre à ce sujet-là, dans un chapitre qui mentionne, il dit que c'est premièrement dans le livre d'Ibn Khuzaima, qu'il a lu de son petit-fils Abu Tahir, il y a un chapitre dont les narrations sont authentiques et les ulama qui les ont rapportées, ces narrations-là sont des ulama du Hijaz. Al-Hijaz, c'est quoi? C'est la Mecque et Médine. C'est ça, Al-Hijaz. C'est Mecca ou Al-Medina. Et il dit, et Al-Iraq, et les savants de l'Irak aussi. Ils ont rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths de la descente du Seigneur au ciel de la dunya chaque nuit, sans rentrer dans la description du comment de cette descente, mais en affirmant la descente elle-même. Et nous témoignons du témoignage de celui qui déclare avec sa langue et qui croit avec son cœur et qui est convaincu de ce qui est mentionné dans les narrations au sujet de la descente, sans rentrer dans la description du comment. Parce que notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas décrit pour nous le comment de la descente de notre Créateur au ciel de la dunya. Mais il nous a fait savoir qu'il descend. Et Allah Azza wa Jal, il a légué à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le devoir de clarifier pour les musulmans ce dont ils ont besoin pour les questions de leur religion. Et donc nous disons et nous croyons en ces narrations-là qui parlent de la descente d'Allah Azza wa Jal sans rentrer dans la description de cette descente et sans essayer de savoir le comment. Parce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a pas décrit le comment de la descente. Et ça, c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Khuzaima, rahimahullah. Il ne reste pas beaucoup de temps. Et on a encore deux pages à lire à peu près. Donc on va stopper ici. On continue la suite au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته